l'après-midi fait beau, je suis clair en mode plasmique. Je touche ton cœur et ta membrane, c'est ton plasmique. Essaie de rapper si t'es pas rappeur asthmatique. Mon rap c'est comme le poisson, les nœuds les décortiques. Pathétique, t'encourage même si j'aime pas tes zics. Suis-je amnésique, généreux, petit rappeur pathétique. Nos courants ne passent pas, les rappeurs n'ont pas le faux électrique. Leur morale, j'y comprends rien, tout comme leur pure symétrique. On me regarde comme si j'avais commis un acte de piraterie. Dans la fanterie, rêve de tasse et de petites gâteries. J'suis vaillant, j'réponds, même si j'suis un gars pris. Aucun ami, mais sur mes sons, j'ai hâte de sympathie. J'suis entouré de rageux, mon flow s'appelle île flottante. J'ai des pics sur mes ailes, sous mes airs comme un hippocampe. Et j'me dis, nah, c'était un bon, vu que les haies ne chantent. Puis mon son est différent, vu que les haies ne changent. La vie est un coup de chance, pierre, feuille, ciseau. J'suis un lion qui vient trame, caresser le museau. C'est un coup au moral, pas un coup de ciseau. J'donnerai mon cœur à ma mère, même s'il le faut. La vie est un coup de chance, pierre, feuille, ciseau. J'suis un lion qui vient trame, caresser le museau. C'est un coup au moral, pas un coup de ciseau. J'donnerai mon cœur à ma mère, même s'il le faut. Il fait chaud posé sur ma toile comme une araignée. Plus facile de s'aimer que finir pour saigner. Le roi est mort, le prince du beat vient régner. J'suis riche dans le cœur, de quoi vous vous plaignez. Dans rap, j'suis jeune, loin d'être de l'ancienneté. J'suis un lion, j'peux pas faire de la chienneté. Et si tu me connais pas, elle n'a fait enchanter. La d'une couleur ma gueule, tu peux nous différencier. Car après tout, on est tous pareils derrière le casque. Nos darons payent les mêmes charges et les mêmes taxes. Et mon histoire est unique, comme Bernard Palissy. Ton parcours est une arnaque, comme Bernard Tapé. Loin comme le sort de l'Elbé en converti en taxi. Ce ministre t'es pas l'album, tu peux l'appeler Maxi. La concurrence va prendre un sérieux coup dans les rotules. Voilà pourquoi je fais avancer le rap et leur recul. La vie est un coup de chance, pierre, feuille, ciseaux. Je suis un lion qui vient trame, caresser le museau. C'est un coup au moral, pas un coup de ciseaux. Je donnerai mon cœur à ma mère même s'il le faut. La vie est un coup de chance, pierre, feuille, ciseaux. Je suis un lion qui vient trame, caresser le museau. C'est un coup au moral, pas un coup de ciseaux. Je donnerai mon cœur à ma mère même s'il le faut.